les clés de mon appartement, où un cœur se consume entre désir et haine. Je ne veux plus la voir, je crois qu'apparemment elle s'est enfermée dans sa folie malsaine. Afin qu'elle s'en aille, je n'endors plus la nuit, son amour m'exaspère. J'aimerais beaucoup la renvoyer chez son père.